إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on va commencer inshallah notre cinquième cours sur le livre du Cheikh Mohamed Al-Aqil qui s'intitule, c'est le Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab Al-Aqil qui s'intitule Al-Fitnatu wa Mawqifu Al-Muslim Minha, c'est-à-dire l'épreuve et la position du musulman face à celle-ci, ou la fitna et la position du musulman face à celle-ci. Et on est arrivé, donc on avait commencé les cours à Bruxelles. Lorsqu'on est allé visiter les frères de Bruxelles, on a fait 4 cours avec eux, les frères du centre Furqan, dans la mosquée, dans une des mosquées là-bas. Et là on est arrivé donc au 5e cours, et c'est la 3e cause des fitan, السبب الثالث ظهور الفساد والمعاصي وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. C'est-à-dire la troisième cause de l'apparition de la fitna, c'est l'apparition de la corruption, du désordre, des péchés et de l'abandonnement de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. C'est-à-dire lorsque les gens cessent d'ordonner le bien et cessent d'interdire le mal dans la société. Et donc ça, c'est une des grandes causes de la propagation du désordre et des épreuves dans le monde. Et donc le cheikh il dit inna min a'zam al asbab khuturatan wa atharan fi dhuhur al fitan fi al umma huwa ma ibtuliya bihi al muslimun fi akthar buldanihim min fasad wadih fi aqaidihim wa a'malihim wa akhlaqihim wa mu'amalatihim hatta asbaha wa lil asaf al shadid الشرك في بعض البلاد توحيدا والمنكر معروفا وبدع ينشأ عليها الصغير ويموت عليها الكبير بلا أدنى نكير إلا من رحم ربك وقليل ما هم. Donc le cheikh il explique donc l'introduction de ce sujet. Il dit parmi les plus grandes causes en danger et en effet néfaste dans l'apparition des différentes fitanes dans les différentes nations, il y a ce que les musulmans ont reçu maintenant comme épreuve. Mais qu'est-ce qu'ils ont subi comme épreuve actuellement dans la plupart des pays musulmans comme corruption apparente sur le plan de leurs croyances, sur le plan de leurs pratiques et de leurs comportements et de leur caractère également. On voit qu'est-ce qui arrive actuellement, et c'est quelque chose qui est très triste en fait, c'est de constater que le shirk, l'idolâtrie, est pratiquée dans plusieurs des pays aujourd'hui qui se disent musulmans et qui sont des pays musulmans mais qui ont des problèmes dans certains de ces aspects-là. Donc le cheikh il dit que dans plusieurs des pays musulmans, on voit que le shirk c'est devenu le tawhid pour eux. Et le mal, c'est devenu le bien. Et on voit que les petits ont été éduqués depuis leur tendre enfance sur la bid'a. Et quand ils deviennent vieux, ils meurent sur la bid'a également. Donc, on retrouve très peu de personnes qui dénoncent ou qui condamnent ce qui se passe, en fait, dans ces sociétés-là, excepté un petit nombre à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde et ils sont très très peu nombreux. Donc qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que le cheikh explique maintenant en fait? C'est quelque chose qu'on peut tous constater maintenant et vous allez voir que c'est d'actualité en fait, parce que qu'est-ce qui se passe actuellement dans plusieurs pays musulmans, on le voit dans les médias, dans les jours qui sont en train de se passer maintenant, que ce soit en Tunisie ou en Algérie ou dans d'autres pays encore, on voit justement ces choses-là. Beaucoup de ces pays-là sont des pays où les gens justement adorent les tombes et les morts, et ils se basent sur ces choses-là, donc ils ignorent la réalité du tawhid, et ça s'est répandu en Tunisie, et c'est répandu en Algérie, et dans beaucoup d'autres pays musulmans. Et si c'est comme ça sur la base même de la aqidah, de la croyance, eh bien que dire par la suite des autres aspects du comportement et du manhaj islamique, ainsi de suite. Donc le cheikh il dit, وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Le cheikh il dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 53 dans surat Al-Anfal, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas changer une grâce qu'il a faite pour un peuple une fois qu'il lui a donné jusqu'à ce que ce peuple change ce qu'il y a en eux-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes audient et omniscient. Donc le cheikh a mentionné ce verset là, c'est pour dire qu'une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné une grâce à un peuple, il ne va pas enlever cette grâce de ce peuple jusqu'à ce que ce peuple la change ce qu'il y a en eux-mêmes, et qu'il commence à dévier. Et là, à partir de ce moment-là, c'est là que les châtiments et les épreuves commencent. Et il y a l'autre verset justement dans ce même sens, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit le verset justement qui clarifie justement ce verset-là aussi. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas changer l'état d'un peuple jusqu'à ce qu'il change ce qu'il y a en eux-mêmes. Donc, l'état d'un peuple ne va pas changer comme ça, tout seul. Il faut que les gens se changent eux-mêmes pour que l'état et la situation du peuple changent. Et souvent, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que pour changer le mal, il faut changer le dirigeant seulement. Et qu'une fois que le dirigeant est changé, que la situation va changer toute seule. Et puis, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas ça la réalité. Donc, souvent, l'injustice, elle vient de la population elle-même. Elle vient de la population elle-même et elle est influencée justement par la suite, par les aspects politiques qui vont se passer dans le pays aussi. Et c'est ça qu'on constate maintenant. Du fait que, par exemple, on va voir que certains dirigeants vont faire de l'injustice à leur peuple, et en réalité c'est une épreuve pour eux et c'est une punition pour eux parfois à cause de l'injustice qu'ils font eux-mêmes. Et le cheikh il mentionne donc l'autre verset qui est le verset 41 dans Sourate Ar-Rum, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit que le désordre est apparu sur la terre et dans la mer à cause de ce que les mains des hommes ont acquis, à cause de ce que les mains des hommes ont acquises, pour leur faire goûter une partie de ce qu'ils ont fait, pour qu'ils puissent revenir. Et le cheikh il dit: وأعظم فساد وأعظم ذنب عصي الله به هو الشرك بالله عز وجل كما هو واقع بعض البلاد الإسلامي من عبادة غير الله عز وجل كحال أهل القبور كحال أهل القبور الذين عصوا الله ورسوله وبنوا عليها المساجد والقباب وسموها مشاهد وأعتاب وسموا زيارتها حجا وبدعها مناسك فطافوا بها طوافهم بالكعبة ونحروا عندها نحرهم في من في في من يعني نحرهم في منن وسألوا أصحابها ما لا يقدر عليه إلا الله. Donc le cheikh il explique, il dit que la plus grande forme de désordre et de corruption et le plus grand péché par lequel les hommes peuvent désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien entendu le shirk avec Allah, c'est-à-dire le fait d'offrir à autre que Allah une forme quelconque d'adoration ou d'adorer d'autres avec lui. Donc ça c'est le plus grand péché par lequel les hommes peuvent désobéir leur créateur. Et comme c'est la réalité de ce qui se passe dans plusieurs des pays musulmans aujourd'hui, le fait qu'ils adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui adorent les tombes par exemple, eh bien ça c'est yani le péché le plus grand qu'on peut commettre, du fait qu'ils ont désobéi à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, en faisant sur les tombes des mosquées et en construisant sur ces tombes des dômes qu'ils appellent mashahid, hein, et atab, et qu'ils appellent le fait de les visiter des pèlerinages, et ils nomment les rituels qu'ils ont inventés autour de ces lieux-là des manasiks, comme ce qu'on appelle les rituels qu'on fait à la Mecque. Donc ils ont essayé de comparer qu'est-ce qu'ils font autour de ces tombes-là, ils ont essayé de le comparer à qu'est-ce qu'on fait autour de la Kaaba à la Mecque, par exemple le fait qu'on fasse le tawaf autour de la maison que Abraham a construite pour l'adoration d'Allah. Et ils ont comparé les animaux qu'ils égorgent pour ces morts, ils ont essayé de comparer ça aux sacrifices et aux offrandes qu'on fait lorsqu'on va à la Mecque, hein, lorsqu'on fait le pèlerinage à la Mecque, pour imiter l'exemple d'Abraham. Hein, et au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala seul, ils ont demandé aux habitants de ces tombes, hein, de leur venir en aide dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Et donc ça, il n'y a pas de doute que c'est, hein, une des plus grandes formes de corruption. Et en plus, le cheikh il dit par la suite, كما هو حال المتصوفة مع أوليائهم الذين نسبوا لهم كل خارقة وسألوهم كل شاردة وواردة زاعمين قدرتهم على أمور الدنيا والآخرة. Donc il dit c'est également l'état, qu'est-ce qu'on voit, l'état des soufis, des mutasawwifa, avec leurs awliya, leurs soi-disant saints, hein, auxquels ils ont attribué tout miracle, hein, ou tout prodige, des choses extraordinaires, et ils leur demandent toutes choses en croyant qu'ils ont un pouvoir pour contrôler les affaires de la dunya et de l'au-delà, alors que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le créateur, qui peut contrôler ces choses et qui peut les protéger. Donc le cheikh il dit ensuite, wa kama huwa halu rafida fi mashahid al-a'imma alladhina fi mashahid al-a'imma haythu amaruha mukhalifin al-kitab was-sunnah wa zayyanuha bi kulli nafis wa ghalin wa mufakhirin bi hadhihi al-qubur al-masjid al-haram wal-masjid ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ma'a ta'alluqi qulubihim bil-amwati wa su'alihim hajatahum من الموتى في جميع الحالات حتى وهم صافون بين يدي الله في الصلاة. فلذلك ذلت الأمة وهانت على رب الأرض والسماوات. Le cheikh il dit c'est également l'état de ce qu'on appelle les rafidah, donc en plus des soufis qui ont dévié dans le tawhid, eh bien il y a l'état des rafidah, les chiites, ce qu'on appelle la secte des Rafida parmi les sectes chiites, qui ont construit sur les tombes de leurs imams des mosquées également, qu'ils appellent des mashahid, en contradiction avec le Coran et la Sunna, qu'ils ont embelli avec toutes sortes de belles décorations, hein, pour essayer de compétitionner dans la fierté qu'ils ont avec dans ces tombes-là, avec la mosquée sacrée de la Mecque construite par Abraham et la mosquée du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et leur cœur est accroché à ces morts, et ils leur demandent leurs besoins, hein, ils demandent leurs besoins des morts, ils demandent lorsqu'ils ont des besoins, au lieu de demander à leur créateur, ils demandent à ces créatures qui sont mortes, dans toutes les situations dans lesquelles ils sont, peu importe, même lorsqu'ils sont en rang, dans les rangs, lorsqu'ils font la prière en groupe, devant Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de demander à leur créateur, ils demandent à ses créatures. Et donc, à cause de toutes ces choses-là, la Umma est devenue faible et humiliée, et elle est devenue, elle est devenue faible, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné peu d'importance. Le Seigneur des cieux et de la terre a donné peu d'importance à cette Umma à cause de son, du fait qu'elle s'est détournée de son Créateur. وكانت الأمة حية لما كانت تعبد الحي الذي لا يموت وهانت وذلت لما تعلقت وتوكلت على الأموات لا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh il dit, la Umma elle était vivante lorsqu'elle adorait le vivant, celui qui ne meurt pas. Mais lorsqu'elle s'est détournée et qu'elle s'est accrochée à des morts et elle a mis sa confiance en des êtres morts, eh bien, elle est devenue faible et humiliée. Et bien entendu, yani, il n'y a pas de pouvoir ni de force excepté en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et tout ça, c'est ce qu'on constate actuellement, les gens qui se plaignent de toutes sortes de problèmes dans les différentes sociétés, dans les différents pays musulmans. Et même dans les pays non musulmans également, on voit des gens qui se plaignent de la situation économique et de toutes sortes d'autres réalités qui sont difficiles, et ils oublient leur Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne réalisent pas que le problème, souvent, c'est en eux-mêmes, du fait qu'ils ont contredit les ordres de leur Créateur, hein, et qu'ils ont dépassé toutes les limites. Alors, par la suite, ils demandent, hein, pourquoi ces malheurs-là nous atteignent. Et ils ne réalisent pas, hein, le mal qu'ils ont fait. Le cheikh il dit ensuite, wal ayat wal ahadith fi khatar al-shirk wa ma yajlibu ala al-ummati min fasad kathira yani kathira jiddan fa awwal amr fi al-quran da'wah ila at-tawhid wa awwal nahy fi al-quran nahy 'an al-shirk. Donc le point, hein, comme le cheikh il le mentionne ici, il le fait comprendre clairement, c'est tout est relié en fait au tawhid. Tous les problèmes économiques, tous les problèmes politiques, tous les problèmes sociaux, hein, tous les problèmes qui peuvent être présents dans n'importe quelle société, elle part toujours du plan de la croyance et de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne peuvent pas être réglés, excepté si les hommes retournent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les versets et les hadiths au sujet du danger du shirk, hein, du fait d'associer avec Allah dans l'adoration et de faire des actes d'idolâtrie, d'adorer autre que Allah, hein, ces versets-là sont nombreux et ces hadiths-là sont très nombreux également. Et yani, le fait que c'est ce péché-là, le shirk, qui fait que la corruption elle tombe sur la nation, sur la Ummah. Il y a plein de versets à ce sujet-là. Parce que si on prend en considération que le premier ordre qui est venu dans le Coran, c'est l'ordre du Tawhid, et que la première interdiction qui est venue dans le Coran, c'est l'interdiction de commettre le shirk, donc ça nous fait comprendre déjà l'importance de cet aspect de la religion que beaucoup de musulmans ont négligé et ont mis de côté. Et pour certains musulmans, Allah al-Musta'an, c'est la dernière des préoccupations. C'est la dernière des préoccupations, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas compris l'importance du tawhid dans l'islam, et que c'est l'islam en fait, et que c'est le cœur même de l'islam, et que sans tawhid il n'y a pas d'islam, et que si quelqu'un est sur le shirk, il n'est pas musulman, même s'il prétend être musulman. Donc le cheikh il dit, وَقَالَ تَعَلَى وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. C'est le verset 36 dans surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, adorez Allah et n'associez rien dans votre adoration avec lui. Et il mentionne le verset 56 dans surat Al-An'am, قال تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. Donc il mentionne ce verset là qui dit, ô Muhammad, à ces gens, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, le Créateur. Dis, ô Muhammad, je ne suis pas vos passions. Sinon, je serais du nombre des égarés et je ne serais pas du nombre des bien guidés. Et il mentionne ensuite le verset 65 dans Sourate Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et il a été révélé à toi, ô Muhammad, ainsi qu'à tous les autres messagers avant toi, que si tu commets le shirk, c'est-à-dire tu associes avec Allah subhanahu wa ta'ala en offrant des actes d'adoration à autre que lui, tes œuvres seront vaines, hein, et tu seras du nombre des perdants. Et il dit, il mentionne un hadith, le cheikh mentionne le hadith, il dit, wa'an Abi Bakra, رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله. Donc il mentionne ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui est un hadith متفق عليه, selon Abi Bakr, que le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم a dit, le plus grand de tous les grands péchés, c'est de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'associer avec Allah dans l'adoration, d'offrir des actes d'adoration à autre que lui, à autre que le Créateur. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المبيقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Donc le cheikh il mentionne un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui est muttafaqun alayhi, rapporté selon Abi Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, écartez-vous des sept choses qui vous font périr. Et les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, quelles sont-elles? Il a dit, premièrement c'est le shirk avec Allah. Donc la première, le plus grand de tous ces péchés là, c'est al-shirku billah. Ensuite, il a mentionné as-sihru, c'est-à-dire la sorcellerie. Ensuite, il a mentionné qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil-haq, c'est-à-dire de tuer l'âme qui est sacrée, de tuer l'âme que Allah a interdit de tuer, excepté pour une justice ou un droit quelconque. Wa aklu mal al-yatim, c'est-à-dire de manger les biens de l'orphelin. Wa aklu riba, c'est-à-dire de manger l'argent des intérêts, de manger les intérêts, c'est-à-dire de faire des prêts à intérêt ou de recevoir de l'argent pour des intérêts quelconques. At-tawalli yawm az-zahf, de se détourner lors de la rencontre de l'ennemi. Wa qadfu al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, c'est-à-dire de lancer des fausses accusations contre la chasteté des jeunes filles croyantes, hein. Donc de les accuser d'avoir commis des péchés ou des turpitudes alors qu'elles en sont innocentes. Donc ça c'est les exemples qui prouvent que le shirk c'est le plus grand de tous les péchés, hein, et que après le shirk, hein, les autres péchés sont moins graves que le shirk. Le plus grand d'entre tous les péchés c'est le shirk. فانتشار هذه المبيقات في الأمة من أعظم الأسباب لجلب غضب رب العالمين رب السماوات والأرض. Le cheikh il dit que le fait que ces péchés-là qu'on a mentionnés, qu'on appelle les mubiqat, c'est-à-dire celles qui amènent les hommes à leur perte, eh bien ça fait partie des plus grandes causes pour ramener la colère du Seigneur des cieux et de la terre. Et يعني souvent, c'est ces péchés-là qui sont répandus dans les pays musulmans. Et lorsqu'on voit, par exemple, des jeunes qui se mettent en feu maintenant dans certains pays musulmans et qui font des manifestations et qui brisent tout, eh bien, on réfléchit à ça et on voit comme certains ignorants ou certains égarés parmi les groupes de Ikhwan al-Muslimin ou d'autres qui, aujourd'hui, sont en train de dire ça c'est une révolution islamique ou des choses de ce genre, et qui pensent que ça c'est quelque chose qui est en rapport avec l'islam, et qui essaie de défendre ces actes-là au nom de l'islam, eh bien il faut bien comprendre en réalité que tout ce qu'ils font ça n'a rien à voir avec l'islam, et les valeurs auxquelles ils appellent et les idées auxquelles ils appellent ne sont pas du tout reliées à la charia de l'islam ni aux principes islamiques, hein, des principes qui sont enseignés dans le Coran et dans la Sunna et dans la charia de l'islam. Ils se réfèrent plutôt aux idéologies des occidentaux, yani, pour essayer de justifier ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, ça n'a rien à voir avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, ils essaient de rejeter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ordonnent à l'écoute et à l'obéissance du dirigeant et à la patience lors des épreuves. Ils les rejettent, ces hadiths-là, et ils disent non, c'est pas pour notre époque. Ça s'applique pas aujourd'hui, ça s'applique juste à l'époque ancienne. Aujourd'hui, non, on n'a plus besoin de ces hadiths-là, on veut plus les appliquer. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils agissent de la même manière que les laïcs qui rejettent une part de la religion et qui acceptent une part. Ils disent on croit en une partie, puis on rejette le reste. Eh bien ça c'est le contraire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne. Le cheikh il dit « وَلَا يَرْفَعُ غَضَبَهُ وَمَقْتَهُ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ النَّسُوحِ وَالرُّجُوعُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَإِفْرَادُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْعِبَادَةِ وَإِفْرَادُ نَبِيهِ صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وتطهير المجتمعات الإسلامية من هذه الرزايا والبلايا. » Donc le cheikh il dit, il n'y a rien qui va retirer la colère et le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala contre cette nation excepté la repentance sincère et le retour sincère à Allah subhanahu wa ta'ala en l'unifiant lui seul dans notre adoration et en faisant en sorte que le seul exemple qu'on suive pour adorer notre Créateur soit l'exemple de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de purifier les sociétés islamiques de tous les malheurs et de tous ces fautes qui existent dans nos pays. Ensuite le cheikh il dit walil asaf ash-shadid faqad sahiba dhuhur hadhihi al-munkarat في البلاد الإسلامية تقصير واضح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ساعد على استمرارها وعدم إزالتها حتى اعتادها الناس على اختلاف أحوالهم ولم يعودوا يرفعون لها رأسا ولم تعد وجوههم تتمعر غضبا لله فعمت الفتنة بسبب ذلك العام والخاص ولا حول ولا قوة إلا بالله. Il dit, et c'est très triste de remarquer que lorsque ces différentes formes de péchés sont apparues dans les pays musulmans, on a vu que ça a été accompagné également d'un manquement apparent ou d'un manque apparent ou d'un délaissement apparent. D'une faiblesse apparente dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et c'est ça qui a fait en sorte que ces péchés-là ont continué, se sont perpétués, et qu'on n'a pas été capable de les éliminer, justement parce que les gens ne se sont pas mis à ordonner le bien et à interdire le mal. Et j'ai souvent eu l'occasion d'avoir des discussions, justement, avec différents frères sur différentes situations de ce qui se passe dans certains pays musulmans, et en particulier on discutait sur la question de la Tunisie, et ça c'était pas dernièrement, ça fait peut-être une année de ça, et on parlait justement de la situation, puisque dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnent d'obéir aux dirigeants dans l'islam, on est obligé dans l'islam d'obéir à nos dirigeants, qu'ils soient justes ou injustes, hein, et de les écouter et de les obéir dans le bien. Et ils oublient également que c'est interdit de leur obéir dans le mal et dans ce que Dieu a interdit. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté et qu'est-ce que je discutais justement avec certains frères, c'est qu'on a remarqué que les musulmans aujourd'hui, ils agissent à l'inverse de ce qu'ils sont obligés de faire. C'est-à-dire qu'ils désobéissent à leurs dirigeants dans le bien, alors que Allah leur ordonne de leur obéir dans le bien, et ils leur obéissent dans le mal, alors que l'islam leur interdit d'obéir dans le péché. Alors, par la suite, ils se plaignent de leurs dirigeants, et ils disent que les dirigeants sont injustes, et des choses de ce genre, alors que ce sont eux qui sont en train de les encourager dans cette injustice-là. Hein? Quand les dirigeants leur interdisent le bien, eh bien, ils cessent de faire le bien. Et quand les dirigeants leur ordonnent de faire le mal, ils obéissent à ces dirigeants-là dans le mal. Et quand les dirigeants leur ordonnent de faire le bien, ils refusent de les obéir dans le bien. Hein? Donc on voit que c'est des gens qui ne font que contredire la réalité de ce qu'Allah leur ordonne de faire. Et les révoltes qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala et ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est uniquement des choses qu'ils font parce que ils veulent satisfaire leurs désirs. Ils veulent maintenant appeler à la liberté qui est contraire à l'islam, la liberté de kufr, la liberté de shirk, la liberté des bid'ah, la liberté d'opinion pour contredire tout ce que Allah a révélé, hein. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui se passait dans la société comme péché et comme contradiction de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils continuent à le faire et même qu'ils le font encore plus qu'avant. Alors, c'est pas vrai que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est quelque chose qui est en accord avec l'islam. Bien au contraire, qu'est-ce qu'ils font, ce n'est que le désordre, hein, dans cette société-là. Et ils réalisent pas que parfois, on veut se débarrasser d'un mal et que le mal qui suit ce mal-là est plus grand que celui dont on voulait se débarrasser auparavant. Hein, parce qu'ils ignorent la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la façon dont les choses se produisent dans l'univers. Et donc, comme le cheikh il explique, il dit que malgré l'apparition de ces différents péchés dans la société, on n'a pas vu d'augmentation dans l'ordonnance du bien et dans l'interdiction du mal. Et c'est ça ce qui a fait que les péchés ont continué à se perpétuer dans la société et on n'a pas été capable de les interdire par la suite. Parce que les gens ont commencé à s'habituer à vivre dans ces façons qui sont contradictoires avec l'islam. Hein, et ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas rien fait pour essayer de changer la situation dans laquelle ils étaient. Et on voit que même par la suite, les visages de ces gens-là ne se sont même pas mis en... On voit même pas dans leur visage aucun signe de colère par rapport à qu'est-ce qui se passe comme contradiction avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la fitna est devenue générale à cause de ça. Hein? Elle est devenue générale à cause de ça. Elle est générale et en même temps elle est particulière aussi, elle affecte chacun des individus. Et donc, comme le cheikh il le dit, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puis il dit, wa qala ta'ala, wal takum minkum umma yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Donc le cheikh il mentionne ces deux versets qui sont deux versets le premier c'est les versets dans sourate Al-Imran 104 à 105 dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle au bien, qui invite au bien, qui ordonne le ma'ruf, c'est-à-dire qui ordonne qu'est-ce qui est bon et qui interdit ce qui est mal. Donc qu'il y ait un groupe parmi vous qui fasse ça, qui faisait ça, qui ordonne, qui appelle les gens au bien, qui ordonne le bien et qui interdit le mal, et ceux-là sont ceux qui auront le succès. Hein, ceux qui auront le succès, c'est pas ceux qui vont rester assis et qui vont regarder les gens qui font, qu'est-ce qu'ils font, dans le sens que, ils voient les gens en train de commettre le shirk, en train de commettre toutes sortes de choses contradictoires avec l'islam, et qu'ils ne disent pas un mot, hein, ils ne condamnent pas ces choses-là, ils font juste dire, hein, chacun peut faire ce qu'il veut, chacun est libre, hein, comme certains des ignorants qui disent, par exemple, celui qui veut aller dans le bar, boire de l'alcool, il peut boire de l'alcool. Celui qui veut aller à la mosquée, il peut aller à la mosquée. On va imposer rien à personne. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a imposé à l'humanité ces choses-là. Et il nous ordonne d'ordonner le bien et d'interdire le mal. et d'appeler les gens au bien, et non pas de laisser les gens libres à eux-mêmes et de faire ce qu'ils veulent comme toute passion et de suivre leurs désirs. Hein? Bien entendu, ça c'est quelque chose qui est contraire à ce que Allah ordonne. Ensuite, il dit, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que les signes et les preuves claires leur soient parvenues. Et ceux-là, pour eux, il y aura un grand châtiment. Et le verset 164 et 165 dans Sourate Al-A'raf, il y a un autre exemple aussi dans ce verset-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et quand parmi eux, une communauté dit, pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère? Ils répondirent, pour dégager notre responsabilité. قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ. C'est-à-dire, pourquoi les gens leur demandent, pourquoi vous voulez avertir une communauté que Allah va châtier? Pourquoi vous voulez les avertir et continuer à les exhorter, alors qu'ils vont être punis, puisqu'ils désobéissent à Allah? Et ceux qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal ont dit, nous on le fait, ma'ziratan ila rabbikum, on le fait pour se dégager de notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur, c'est-à-dire pour qu'on puisse être excusé par notre Seigneur, et pour qu'il puisse, peut-être qu'ils vont devenir pieux, peut-être qu'ils vont accepter l'exhortation, peut-être qu'ils vont accepter le rappel et ils vont changer leur situation. Et en même temps, nous, au jour de la résurrection, on a fait notre devoir et on est excusé devant notre Seigneur, qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. Et après, il dit, puis lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont oublié ce qu'on leur avait rappelé, ils ont continué à faire qu'est-ce qu'ils ne devaient pas faire, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a fait tomber son châtiment sur eux, et les seuls qui ont été sauvés sont ceux qui interdisaient le mal, dans la société, et les autres ont été saisis par un châtiment rigoureux. Les injustes ont été saisis par un châtiment douloureux pour les actes pervers qu'ils faisaient. Donc ça, c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala attrape les peuples injustes pour l'injustice qu'ils commettent. Et il dit, وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعون فلا يستجيب لكم. Ça, c'est rapporté par l'imam Ahmad et At-Tirmidhi. Il a été déclaré Hassan par l'imam At-Tirmidhi. Il dit que Hudayfa, radiyallahu anhu, a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je jure par celui qui tient mon âme en sa main, que vous allez ordonner le bien et que vous allez interdire le mal, sinon Allah subhanahu wa ta'ala va faire tomber un châtiment sur vous venant de sa part, puis par la suite vous allez l'invoquer et vous n'allez pas être exaucé. Et il mentionne un autre hadith. Il dit, wa an Qais ibn Abi Hazim qal qam Abu Bakr radiyallahu anhu fa hamid Allah wa athna alayhi thumma qal ayyuha an-nas innakum taqra'un hadhihi al-aya ya ayyuha alladhina amanu alaykum anfusakum لا يدركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. الشيخ المنسيان ensuite cette parole dans laquelle c'est un hadith rapporté par Qais ibn Abi Hazim, et c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmad et Al-Humaydi et Abu Daoud et At-Tirmidhi et Ibn Hibban et Ibn Majah, et Cheikh Al-Albani l'a déclaré sahih dans Sahih Mawarid al-Dham'an. Donc qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith Il dit qu'Abu Bakr, radiallahu anhu, il s'est levé, il a glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite il a dit, « Oh, vous les hommes, vous récitez ce verset, c'est le verset 105 dans Surat al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Oh, vous qui croyez, oh, vous qui avez cru, alaykum anfusakum, c'est-à-dire occupez-vous de vous-même, ou préoccupez-vous de vous-même, celui qui s'est égaré ne pourra rien vous faire comme tort si vous êtes bien guidé vous-même. Et c'est à Allah que vous allez retourner, que vous allez tous revenir, et il vous informera de ce que vous faisiez. » Et il dit, nous avons entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disant, les hommes, lorsqu'ils voient le mal et qu'ils ne le changent pas, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va faire tomber sur eux un châtiment général, hein, un châtiment sur eux qui va être général, c'est-à-dire qui va tomber sur tout le monde, sans exception. Et donc, ça c'est lorsque les gens voient le mal qui se produit autour d'eux et qu'ils ne le changent pas. Contrairement à ce que les gens avaient compris du verset 105 dans Surat al-Ma'ida que Abu Bakr a mentionné, c'est pour leur faire comprendre que, en fait, ce verset-là ne signifie pas que chacun pour soi, hein, on va pas être touché par le mal si on est bien guidé nous-mêmes, hein, si on voit les gens faire le mal et qu'on le change pas, c'est pas grave. En fait, Abu Bakr As-Siddiq radiallahu anhu est en train de leur expliquer que ce verset-là ne signifie pas d'abandonner l'interdiction du mal, mais plutôt il faut interdire le mal. Et par la suite, une fois qu'on l'a interdit et qu'on l'a changé et que les gens ne suivent pas le droit chemin, eh bien par la suite, hein, on a fait notre devoir. Et par la suite, hein, on aura, disons, une excuse devant notre Seigneur. Mais si on n'a pas fait d'effort pour essayer de changer le mal, alors là, dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala fera tomber un châtiment qui va être général sur tous les hommes. Et il dit, وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فأتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوا فقالوا ما لك قالوا تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يدي أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. Donc le cheikh il mentionne ce hadith qui est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, qui est un hadith au sujet de l'importance d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et qui nous donne une parabole ici qui est très très très claire dans l'importance d'interdire le mal lorsque quelqu'un le fait. Et il mentionne donc ce hadith qui est rapporté par Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhuma. Il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple ou la parabole de celui qui transige au sujet des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et des lois d'Allah ou de celui qui les commet, c'est comparable à des gens qui sont sur un bateau. Des gens qui sont sur un bateau, ils ont tiré au sort pour savoir qui va être en haut, qui va être dans la cale. Donc il y a le haut du bateau et il y a la cave, la cale, on dit. Donc ceux qui sont en haut, hein, certains sont en haut, certains sont en bas. Ceux qui sont en bas, ils doivent passer par en haut pour aller chercher de l'eau. Alors ils dérangent ceux qui sont en haut. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il descend, il dit, bon, étant donné que je dérange les gens quand je vais en haut, je fais un trou dans la coque du bateau, comme ça je vais prendre l'eau directement par le bateau, pas besoin de monter en haut. Et les autres qui sont là en haut, on dit à celui-là, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont dit, oui, mais je vous ai dérangé quand je suis allé chercher de l'eau. Et moi, je ne peux pas me passer d'eau, j'ai besoin de l'eau absolument. Donc, je vais faire un trou pour prendre de l'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ces gens-là ne prennent pas sa main, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'ils le prennent par la main pour l'arrêter, ils se sauvent. Ils le sauvent lui et ils se sauvent eux-mêmes en même temps. Et s'ils le laissent faire le trou dans le bateau, ils vont le faire périr lui ainsi que tous les autres avec. Et donc ça nous montre l'importance, et c'est comme si en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous donner cet exemple en comparant la société en fait à ce bateau. Et ceux qui sont en haut, ce sont bien entendu les savants, les hommes de science, et ceux qui sont en bas, ce sont les gens qui font le mal ou qui font des péchés. Et donc, c'est-à-dire quand tu vois des gens qui vont commettre des péchés et des formes de désordre et de désobéissance, et que tu les interdis pas de faire le mal, eh bien c'est comme s'ils sont en train de faire couler la société, et ils sont en train de la faire tomber ou se noyer. Alors tu dois les arrêter lorsqu'ils sont en train de faire ce mal, et tu dois pas te dire chacun pour soi, et puis c'est pas grave s'ils font quelque chose de mal, c'est seulement contre eux-mêmes, puisque ça va être une punition qui va être générale par la suite, puisque tout le monde va se noyer à la fin, pas seulement ceux qui ont fait le mal à eux-mêmes. Et souvent c'est ça une chose, qu'on oublie. Après, le cheikh il dit, parce que peu importe l'injustice ou la corruption qui se produit dans un pays ou dans une ville ou peu importe où ça peut être, elle peut jamais se produire toute seule. C'est-à-dire, ça se peut pas qu'elle se perpétue sans qu'il y ait des gens qui collaborent entre eux pour que cette injustice-là se fasse. Et cette injustice-là, les gens qui aident dedans, c'est des gens de toutes différentes catégories de la société. C'est pas seulement une seule catégorie. Donc, soit qu'il y en a qui vont se taire devant l'injustice, ou qui vont ne pas la dénoncer, ou qui sont en capacité, parfois ils sont ils ont la capacité de faire quelque chose pour l'arrêter, mais ils décident de se taire, soit pour en profiter, ou soit parce qu'ils ne veulent pas se mêler du problème. Et donc ça, c'est toujours la situation qui se passe maintenant dans différents pays, dans différentes sociétés. Et le cheikh, il dit, « فالواجب على الأمة وقت الفتن أن ترجع إلى الله وتتقيه حق تقاه حق تقاته وتقوم بما أوجب الله عليها من توحيده وتقواه والابتعاد عن المعاصي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما شرع الله عز وجل بدون تفريط ولا إفراط بل خيارا وسطا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعل الله أن يمن عليها بعد ذلك بالعزة والكرامة والألفة والاجتماع إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل. Donc le cheikh il explique, il dit que l'obligation pour nous lorsqu'il y a des fitans, lorsqu'il y a des épreuves et des tribulations et des problèmes, c'est de revenir à Allah et de le craindre comme il mérite d'être craint, et qu'on établisse ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné comme tawhid et comme crainte, d'avoir de la crainte en lui, et de l'unifier dans notre adoration, et de s'écarter de la désobéissance, et d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous, sans tomber dans le laxisme ou dans l'extrémisme, mais de rester dans le juste milieu, de rester dans le bien et dans le juste milieu, sans tomber dans les extrêmes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, de même que ses compagnons. Et il se peut, lorsqu'on a établi ça et lorsqu'on respecte ce que Allah nous ordonne, il se peut par la suite que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse la faveur de nous donner par la suite la puissance, la noblesse, l'unité, l'union. Et il est certes capable de faire cela, et il est le Tout-Puissant, et il nous suffit, et c'est en lui qu'on doit mettre notre confiance. C'est le meilleur des garants. Donc tout ça, c'est des exemples que le cheikh nous donne dans ce point numéro 3 parmi les causes des fitanes, qui en fait est un rappel pour nous par rapport à cette chose-là, puisqu'on voit que les résultats de tous les problèmes qu'on a souvent, c'est à cause de notre détournement des lois et des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, donc, il y a un autre point maintenant, le quatrième point, qui est le dernier point dans les causes. Mais je crois que le mieux, ce serait de le laisser à la prochaine fois, pour qu'on puisse vraiment s'attarder à, Inch'Allah, à cette cause-là, parce que c'est une cause très importante, et ça aussi, c'est en rapport avec qu'est-ce qui se passe actuellement dans certains pays musulmans actuellement, et même dans certains pays non musulmans aussi, mais en particulier dans les pays musulmans, parmi les causes de fitan, il y a la rébellion et l'appel à sortir contre les dirigeants et les responsables, et d'essayer de leur disputer le pouvoir sous prétexte qu'on veut ordonner le bien et qu'on veut interdire le mal. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous voulez qu'on continue et qu'on explique cette partie-là, ou bien qu'on la laisse pour la semaine prochaine? Parce que je sais que c'est important, mais en même temps, étant donné qu'on a déjà fait presque une heure maintenant, donc c'est peut-être mieux de laisser pour justement pouvoir se concentrer plus, de façon plus approfondie, Inch'Allah, sur ce sujet-là, bi'idhnillah, la semaine prochaine. Khair, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Donc, les frères de Bruxelles m'informent que, de toute façon, c'est l'heure de la salat de l'Isha maintenant chez eux. Donc, Inch'Allah, c'est parfait. On va se laisser avec cette partie-là, qu'est-ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Et, bi'idhnillah, on continuera la suite de ce dars, Inch'Allah, mercredi prochain, à la même heure, midi 30, 11h30 pour le Canada, et pour vous maintenant, c'était 17h30. Donc, on va continuer ça, Inch'Allah, la semaine prochaine, et on espère, Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde dans tout ce qui se passe maintenant, et en même temps qu'il fasse que ce cours soit bénéfique pour nous, qu'on puisse profiter de ce qu'on a appris. Et inshallah de mettre en application dans nos vies. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Je remercie en même temps les frères du centre Fourqan de Bruxelles. Alhamdulillah, on espère qu'on puisse toujours travailler ensemble puis faire des efforts dans le bien. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Donc à la prochaine inshallah.